Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas sûr que je sois le plus compétent, mais je vais essayer. Donc, effectivement, le XVIIe siècle n'est plus le même que par rapport au XVIe. Mais pour ma part, j'insisterai juste sur une donnée au départ, c'est l'importance quand même des survivants de Pinmar. Puisque quand on voit qui sont les capitaines qui ont développé le port de l'île Tudy à partir de 1620, 1630, 1640, les capitaines au cabotage, et j'ai étudié la chose d'assez près, on s'aperçoit que le nom des capitaines, des maîtres de barque, donc, c'est exactement ceux de Pinmar. C'est-à-dire que ce sont les Daniel, les Laurence, les Brizel, les Legat, les Rioux, les Lepeigne, c'est-à-dire des maîtres au cabotage que l'on trouvait à Pinmar au XVIe siècle, se retrouvent au XVIIe à l'île Tudy. Donc on peut dire que le dynamisme, qui n'a rien à voir bien sûr avec celui de Pinmar au siècle précédent, mais quand même, le dynamisme certain de l'île Tudy au XVIIe est dû aux rescapés, aux survivants de Pinmar. Voilà, les maîtres qui ont échappé à la Fontenelle, aux ravages, enfin aux exactions de la Fontenelle, qui ont échappé aussi à la famine, parce que ça s'est aussi conjugué avec une famine, à une épidémie de peste, aussi au même moment, c'est-à-dire dans les années 1590-1600, ces survivants, pour beaucoup, ont fui Pinmar. Pinmar qui était devenu un peu un site de désolation, même s'il y avait toujours évidemment une population à Pinmar. Il ne faut pas exagérer. Hein. On lit parfois dans certains ouvrages qu'après le passage de la Fontenelle, Pinmar était transformé en désert. Non, ce n'est pas vrai. Il y avait toujours, comme l'a dit André, une activité de pêche et de cabotage, mais c'est vrai que ce n'était plus grand-chose par rapport à ce que ça avait été. Donc l'autre port, Bigoudin, qui s'affirme, qui est l'île Tudy, bénéficie aussi beaucoup de Pinmar, et y compris Pont-l'Abbé. Je me suis aperçu que les marchands, un certain nombre de marchands armateurs de Pont-l'Abbé au XVIIe siècle, ce sont aussi des survivants de Pinmar. Donc vous voyez, Pont-l'Abbé, l'île Tudy, voilà, le transfert vers l'est du pays Bigoudin, c'est aussi indirectement, vous voyez, la grandeur de Pinmar, voilà, qui, même dans sa décadence, Pinmar rend service au pays Bigoudin. Alors, une chose aussi qu'on peut dire d'emblée, c'est que dans la classe des roturiers, à l'époque, rien ne vaut être fils de maître de barque pour gravir les échelons au niveau de la société. C'est un ascenseur social assez efficace. On voit que les fils, souvent des capitaines, font des études, deviennent notaires, même parfois deviennent avocats, deviennent procureurs, officiers de la baronnie. Là aussi, voilà, c'est l'héritage, on peut dire, des capitaines de Pinmar du siècle précédent. Alors, en 1668, il se passe quelque chose qui va changer la donne considérablement. C'est le système des classes, vous savez, qui est institué par Colbert, qui va être réglementé ensuite par l'ordonnance de 1681. Le système des classes qui a été mis en place pour recruter les hommes d'équipage pour la marine royale. Avant, vous savez, voilà, c'était assez expéditif, on faisait des razzias dans les ports. Bon, là, c'est organisé, mais ça va avoir quand même des conséquences assez fâcheuses pour l'activité halieutique et l'activité maritime en général, d'autant que ce système des classes va être avant-coureur de ces fameuses guerres maritimes presque incessantes que va connaître la France à partir de 1688. On a peu dire que de 1688 à 1815, la France est entrée dans une seconde guerre de 100 ans, hein, puisqu'on aura successivement... Alors, ce sont des guerres non seulement terrestres, mais aussi maritimes. Et c'est là que, évidemment, ça a des répercussions directes sur l'activité des gens de mer. On va avoir la guerre de la Ligue d'Augsbourg, la guerre de succession d'Espagne, la guerre de succession d'Autriche de 1740 à 1748, la guerre de 7 ans de 1756 à 1763, la guerre d'indépendance américaine, 1778-1783, les guerres de la République et de l'Empire, de 1792 à 1815. Donc, vous voyez, c'est quand même des périodes extrêmement difficiles et douloureuses. Pour ne prendre qu'un exemple, vous voyez, de 1778 à 1815, sur 38 ans, Eh bien, sur ces 38 ans, nous avons été 28 ans en guerre. Sur les 38 ans, vous imaginez 28 ans de guerre sur 38 ans. Nous qui trouvons déjà que, évidemment, la guerre 14-18, ça a été beaucoup trop long, et la guerre 39-45 aussi. Là, c'est 28 ans sur 38 ans. Parce qu'à part la paix d'Amiens entre 1802 et 1803, qui a été une trêve, vous voyez, le reste du temps, on est quasiment en guerre, et en particulier donc avec une guerre maritime contre notamment les Anglais. Donc, il est évident que ces périodes de guerre maritimes vont avoir les conséquences les plus fâcheuses sur l'activité maritime, notamment en Pays Bigoudin, puisque c'est le Pays Bigoudin qui nous intéresse. Tout pêcheur ou marin de commerce était levé tous les 4 ans pour une période variable. Ça pouvait être pendant un mois, comme ça pouvait, on pouvait se retrouver. Je trouvais des exemples de marins de l'île Tudy ou de Kériti qui se sont retrouvés levés. Alors eux, c'était pas à la Marine Royale à Brest. Ils se sont retrouvés levés pour la Compagnie des Indes à l'Orient au début du XVIIIe siècle. Ils ne savaient pas, évidemment, en quittant Kériti ou l'île Tudy, où ils allaient se retrouver. Mais ils se sont retrouvés sur un bateau qui partait pour Canton, pour la Chine. Et ça a duré 20 mois. Voilà, pendant 20 mois, ils ont été levés, ils ont été donc prélevés de leur famille, de leur travail, de leur outil de travail, et ceci en temps de paix. Et évidemment, en temps de guerre, les marins de 18 à 50 ans étaient levés systématiquement en temps de guerre. Donc, ça donnait. Alors, ils étaient levés comme simples matelots, souvent. Parfois, ils devenaient gabiers, timonier, calfa ou canonnier. J'ai fait des petits calculs pour le Pays Bigoudin et je me suis aperçu que chaque guerre maritime en moyenne entraînait la mort soit par scorbut, soit par engagement de guerre du tiers des marins bigoudins. Du tiers à chaque fois. Voyez. Donc vous voyez la ponction. Je vous donne quelques exemples. Sur 37 marins, de Guilvinec, les Chagat, qui ont été précipités dans la guerre d'indépendance américaine entre 1778 et 1783, eh bien 12 ne sont pas revenus. Je vous dis encore, pour des raisons diverses. Et souvent, d'ailleurs, le scorbut faisait plus de ravages que l'affrontement naval proprement dit. Cette même guerre a entraîné 10 morts chez les 30 marins de l'île Tudy. Vous voyez, à l'époque. Donc c'est le tiers. C'est le tiers, c'est voilà, à quelque chose près, évidemment. Alors ils expirent partout. Ils meurent à Newport, sur la côte de la Nouvelle-Angleterre, aux Antilles, au cours de la bataille des Saintes, etc., etc. Et je me suis aperçu aussi que malheureusement, les périodes de paix étaient parfois presque aussi meurtrières que les périodes de guerre. Je vous donne juste un exemple. Le 21 juillet 1740, on est en période de paix. La guerre n'est pas encore déclarée. La guerre de succession d'Autriche qui va être déclarée quelques mois plus tard. Le 21 juillet 1740, l'Élisabeth quitte le port de Brest pour les Antilles. À bord, il y a 13 matelots de l'île Tudy et de Kériti. Une épidémie de scorbut se déclare pendant la traversée. Eh bien, à l'arrivée en Martinique, on déplore la mort de 3 Iliens et d'un jeune homme de Kériti. Vous voyez, et là, on est en période de paix, encore une fois. Vous voyez. Une autre conséquence aussi qui me paraît importante sur le plan des mentalités de ces guerres incessantes avec les Anglais, c'est que, entre autres avec les Anglais, c'est que souvent les prisonniers étaient transférés dans des prisons anglaises, et en particulier dans les prisons de triste mémoire qui étaient les pontons. Vous savez, les pontons, c'est ces navires désaffectés, transformés en stationnaires, un peu ou dans lesquels on croupissait, on entassait les marins prisonniers dans lesquels ils croupissaient sur les vasières du sud de l'Angleterre. Quand, par exemple, en 1815, la paix est revenue et que les portes des pontons anglais se sont enfin ouvertes, on a vu revenir des squelettes ambulants. Vous voyez, ceux qui n'étaient pas morts, ceux qui avaient survécu aux conditions épouvantables de ces pontons, ont retrouvé les ports bigoudins, mais dans des conditions telles que ça a, comment dirais-je, ça a traumatisé les familles, la population, et évidemment, ces guerres et ces pontons et les conditions dramatiques d'emprisonnement ont nourri une anglophobie qui a duré, j'ai envie de dire, presque jusqu'au XXe siècle. Vous voyez, on n'aimait pas les Saxons chez nous. Arsosum, hein, Kersos, le village de l'anglais, on n'aimait pas les Anglais. Et évidemment, c'est en partie à cause de cela. Vous voyez, en 1815, donc c'est enfin le terme, c'est la fin de cette guerre de 100 ans, quasiment de cette deuxième guerre de 100 ans. Les ports bretons et les ports bigoudins en particulier sortent complètement exsangues de cette période qui a démarré en 1792 et même qui a démarré bien avant. Vous voyez, on est sur le plan de l'activité maritime, on est arrivé quasiment au degré zéro, tout est à reconstruire, beaucoup de marins sont morts, les bateaux, voilà, etc. etc. Significativement, Jacques Guéguin, marin de l'île Tudy en 1815, il revient des geôles anglaises, il se fait construire une petite chaloupe et il baptise sa chaloupe significativement le désir de la paix. Voyez. Donc cette période qui va jusqu'en 1815, on peut dire, est une période extrêmement difficile pour, eh bien, pour l'activité maritime. Alors, on peut citer le maçon du parc, un inspecteur des pêches, qui a fait un rapport extrêmement intéressant en 1728. Et voilà ce qu'il dit, un exemple sur les bateaux de l'île Tudy. Il dit qu'ils ont un port, un tonnage donc de 2 à 3 tonneaux. En fait, c'est un peu plus. Je me suis aperçu que c'était plutôt de 3 à 4, peu importe. 2 mâts, 2 voiles sont montés par 4 à 7 hommes d'équipage. 5 de ces bateaux ne discontinuent pas point la pêche pendant toute l'année. Les 6 autres ne le font que pendant l'été. Donc, ce que disait André, effectivement, c'est quand même une activité modeste qui met en branle peu de moyens en hommes, peu de moyens techniques aussi, peu de moyens matériels. Alors, la principale pêche à l'époque, c'est toujours le congre, hein, qu'on fait sécher et qu'on exporte sur le long des côtes d'Espagne. On pêche aussi un peu de merlu, la raie pastenague, le lieu, le turbot, un peu de dorade, un peu de merlu, un peu de merlan, pardon, et de maquereau, mais pas un mot sur la sardine. La sardine va arriver un peu plus tard. La sardine va faire son apparition. Évidemment, c'est un tournant. Vous imaginez, avant, pas de sardine. Il y avait déjà la sardine à Douarnenez, bien sûr. Mais là, c'est le tournant du pays bigoudin. C'est un tournant modeste. Hein. Ça va apparaître vers 1750 à l'île Tudy. On trouve trace de la création d'une et ensuite d'une deuxième presse à sardines, qu'on appelle un magasin à sardines. Là, ce sont deux négociants de Pont-l'Abbé qui sont à l'origine de cette création, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. L'un s'appelle Daniel, l'autre s'appelle Brizel. Non, l'une s'appelle Guéguin, l'autre s'appelle Daniel. Comme par hasard, ce sont des enfants de maître au cabotage de l'île Tudy. Donc c'est voilà, c'est les gens, c'est les enfants des capitaines qui se sont installés à Pont-l'Abbé, qui deviennent négociants, qui deviennent marchands à Pont-l'Abbé et qui développent l'activité de leur commune d'origine, ou en tout cas de la commune d'origine de leurs parents. Le problème de l'île Tudy, c'est que c'est invivable, en fait, à l'époque. L'île Tudy, c'est un radeau. C'est au bord de l'eau. À chaque grande marée, à chaque tempête, l'île est recouverte. Il n'y a pas de boulevard de protection, il n'y a pas de quai de protection côté mer. Et donc, l'île Tudy est au péril, vraiment, des flots. Donc ça, je l'ai remarqué aussi en travaillant sur l'île Tudy. Dès qu'une famille sort du lot, dès qu'une famille s'enrichit, dès qu'une famille arrive à un degré de respectabilité, de notoriété, etc., et de richesse, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'installe à Pont-l'Abbé. Voilà. Si Pont-l'Abbé s'est autant développé, c'est aussi parce que l'île Tudy était invivable. Voyez, et donc, voilà, les enfants des marins de l'île Tudy, sortis du lot, s'installent à Pont-l'Abbé. Il y a quelque chose qui se développe aussi, enfin qui se développe peut-être qui se rationalise, c'est peut-être un grand mot. En tout cas, qu'on retrouve, c'est la pêche à pied. On en parlait tout à l'heure. Là, c'est, je vous renvoie vers Cambry. Hein, Cambry qui est effectivement un peu incontournable, hein, ce rapport qu'il a fait sur l'état du Finistère à la fin du XVIIIe siècle. Ça a été publié à la fin du 18e sous le titre de « Voyage dans le Finistère ». Cambry est passé par Pont-l'Abbé en 1794 exactement. Et voilà ce qu'il écrit. « Les habitants de l'île Tudy, dans la rivière de Pont-l'Abbé, existent dans un pays qui ne leur offre aucune espèce de production. Ils ne vivent que de poissons. Ils sont grands, ne s'allient qu'entre eux, ce qui n'est pas vrai. » Il y a beaucoup de gens de l'extérieur. Ben oui, parce que vous imaginez un tiers des marins qui meurent à chaque guerre maritime. Il faut remplacer les hommes. Il y a une pénurie constante d'hommes sur l'île Tudy. Les femmes restent sur place, bien sûr. La mémoire de l'île Tudy se transmet par les femmes. Mais les hommes, il faut les remplacer. Qui les remplace ? Les canonniers. Ce sont les canonniers qui arrivent pendant les guerres maritimes parce qu'il y a une batterie à l'île Tudy. Il y a 3 canons qui sont braqués sur le large. Donc il y a une compagnie de canonniers qui débarque à chaque fois, qui vient de l'extérieur. Et il y a une partie des canonniers qui restent sur place et qui se marient avec les filles manquant de mari potentiel sur l'île Tudy. Donc il est absolument faux de dire que l'île Tudy vit en autarcie. Les noms de l'île Tudy, beaucoup de patronymes de l'île Tudy viennent de l'extérieur. Quand vous vous appelez Limermont ou Zimmermann, vous vous doutez que vos origines ne sont pas forcément entre Tréogat et Pomerit. Bon, je referme la parenthèse. Les femmes, alors ils ont communément l'œil bleu, les sourcils et les cheveux noirs. Les femmes, au milieu de l'hiver, sont dans l'eau jusqu'à la moitié du corps pour ramasser des huîtres, des chevrettes, des moules. 3 heures avant le jour, dans les temps les plus froids, mouillés, sans feu, elles attendent l'heure du marché sous la halle de Pont-l'Abbé. Comme tous les peuples isolés, les pêcheurs de l'île Tudy méprisent les autres hommes. Ils sont très vains, très fiers, on dit d'eux en proverbe, « Argurina gloire », ils sont couronnés de gloire. En tout cas, ce que je retiens, c'est la condition des femmes. Vous voyez, c'est la condition des femmes de l'île Tudy qui, pendant que les hommes sont en mer, elles sont aussi en mer. Elles sont pas en mer, elles sont dans l'estuaire, sur l'estran, et vous voyez, avec des conditions de vie extrêmement difficiles. Ça, c'est, je crois, une donnée fondamentale. Être homme de mer ou femme de mer autrefois, ce n'était pas facile. C'était des vies quand même extrêmement, extrêmement rudes. Il faut ajouter une chose aussi par rapport à ces mentalités et à ces conditions des gens de mer sous l'Ancien Régime. C'est l'organisation territoriale, tout simplement. Sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution, on se méfie des marins. Les autorités, les élites se méfient des marins, les paysans, les élites paroissiales se méfient des marins, ce qui fait que les marins sont tenus en lisière systématique de l'organisation paroissiale. Voyez, ils dépendent systématiquement de paroisses à dominante rurale. Saint-Guénolé dépend jusqu'à la Révolution de la paroisse rurale, ô combien de Bezec-Cap-Caval. Kériti de Tréoultré, même Kériti, même l'église, parce que là où était l'agglomération maritime, c'était d'abord à Kériti. Les marins étaient principalement à Kériti. C'était aussi un peu à Tréoultré, un peu à Kervili, etc. Mais c'était d'abord à Kériti. Kériti n'a jamais eu d'église paroissiale. L'église de Kériti, elle est pourtant extrêmement ancienne. Je soupçonne d'ailleurs que c'est la plus ancienne du territoire de Pinmar. Ça n'a jamais été érigé en église paroissiale. L'église paroissiale était chez les paysans. Elle était à quelques kilomètres, voyez, au-delà du pont Ninon. À Kériti, à Pinmar, il y avait une frontière qu'on appelait le pont Ninon. Sur un bras de mer, sur le pont un bras de mer du Ster. Il y avait au-delà du pont Ninon et en deçà du pont Ninon, et toute l'organisation, y compris fiscale d'ailleurs, était partagée entre ces deux quartiers, de ce côté-ci ou de l'autre côté de ce fameux pont Ninon. Donc ça, c'est vrai pour Kériti. Le Guilvinec, bien sûr, vous le savez, a dépendu de Plomeur, jusqu'en très tard, jusqu'en 1880. Les chiagates continuent de dépendre de Tréfiagate. Or, les chiagates est le grand port méconnu du pays Bigoudin. C'est la grande communauté maritime. Il n'y a jamais eu d'études systématiques sur le port de les chiagates autrefois, et c'est un manque. C'est à faire rapidement, parce que les chiagates a eu des marins avant le Guilvinec, j'ai envie de dire, en tout cas en nombre plus important que le Guilvinec tout au long de l'Ancien Régime. L'Esconil, bon, qui n'était trois fois rien. L'Esconil, il faut le dire, jusqu'en 1840, c'était rien du tout. Il y avait deux ou trois chaloupes de pêche uniquement, donc ça dépendait de Plobanalec, bien sûr. Et l'île Tudy et Sainte-Marine dépendaient de Combrite. Sainte-Marine était un quartier de Combrite. L'île Tudy avait un statut quand même un peu amélioré. C'était une trêve, donc c'était une succursale de la paroisse de Combrite. Donc il y avait quand même une certaine autonomie, mais le patron, c'était quand même, en dernière analyse, c'était le curé. On disait le curé, hein, parce qu'à Combrite, ce n'était pas un recteur. On disait le curé de Combrite, c'était lui quand même qui, en dernière analyse, en dernier ressort, était le patron de la trêve de l'île Tudy. Vous voyez, donc cela en fait reflète, voyez, cette défiance des classes possédantes, des classes dominantes, on peut dire, des élites terriennes à l'égard des gens de mer. Il y avait une défiance entre paysans et marins. Il ne faut pas se leurrer. Je me suis aperçu quand même, à ma grande surprise, en étudiant systématiquement l'état civil, les BMS, comme on dit, hein, quand on fait de la généalogie, entre autres, l'état civil de l'île Tudy, qui démarre vers 1635. Donc, vous voyez, c'est quand même assez ancien. J'ai étudié systématiquement de 1635 à 1790. Voilà, année après année. Eh bien, vous pouvez me croire, je n'ai quasiment jamais trouvé un mariage entre un garçon de l'île Tudy ou une fille de l'île Tudy avec un fils ou une fille de paysan de Combrite. Jamais. Ils ne se mariaient jamais entre eux. Et c'était la même paroisse et ils habitaient à 500 mètres les uns des autres. 500 mètres à vol d'oiseau. Mais il y avait quand même un petit bras de mer, il y avait un gué, hein, un truc, comme on disait, peine en truc, le quartier de l'île Tudy. On ne se mariait pas entre paysans et marins. Quand on ne trouvait pas chaussures à son pied à l'île Tudy, on allait, chaussures à son pied localement, eh bien, on allait chercher son âme sœur dans un autre port. On allait à Kériti ou on allait à Concarneau. Il y a eu un certain nombre de mariages entre des fils ou des filles de l'île Tudy sous l'Ancien Régime. Donc c'est, là aussi, c'est pour vous dire qu'il y avait une défiance, pour ne pas dire parfois un certain mépris. Le paysan, surtout le paysan, pas le journalier évidemment, pas le simple journalier, mais le paysan qui avait une certaine aisance, il méprisait le marin, le pêcheur, parce que le pêcheur, souvent, surtout dans ces siècles du XVIIe et du XVIIIe, il avait tendance à tirer le diable par la queue. Voyez. Et inversement, j'ai envie de dire que le marin avait un certain mépris pour le paysan, mais alors pour des raisons différentes. Non pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons culturelles. Parce que je me suis aperçu, là aussi, que beaucoup de marins parlaient français. Surtout si, comme au XVIIe, bon, au XVIe, évidemment, c'est encore plus vrai, mais au XVIIe et au XVIIIe, beaucoup de marins, beaucoup de capitaines sont aussi des capitaines au cabotage. Et évidemment, pour faire du commerce, il faut maîtriser un minimum de langue française. Donc, on s'aperçoit, hein, en étudiant les actes notariés en particulier, ou les actes d'entrée et de sortie des ports, on s'aperçoit que beaucoup, beaucoup de marins parlent français. Ils sont bilingues. Hein, ils parlent breton, bien sûr, avec leur épouse, mais entre eux ou avec les marchands, ils parlent français. Donc, un certain sentiment, si vous voulez, de supériorité linguistique ou culturelle, ben, qui alimentait cette défiance ou cet éloignement culturel entre eux. En tout cas, à la fin du XVIIIe siècle, comme le nombre de marins n'a cessé de décroître tout au long du XVIIIe siècle, à cause d'abord des guerres maritimes et des ponctions que ces guerres ont entraînées, et des morts, donc. Vous voyez, à la fin du XVIIIe, il n'y a plus un seul maître au cabotage à l'île Tudy. Il n'y en a plus un seul, alors qu'il y en avait une bonne vingtaine dans les années 1700. Il n'y en a plus un seul. Voilà, ils sont tous voilà, le cabotage à cause des entre autres du blocus bien sûr des côtes. Le cabotage a subi un coup de fouet considérable, mais tout simplement il n'y a plus d'hommes. Voilà, le potentiel humain, le réservoir humain s'est complètement épuisé. Donc, à la fin de l'Ancien Régime, on peut dire que les marins bigoudins constituent une population, une communauté paupérisée, pour ne pas dire parfois misérable, une communauté minoritaire, très minoritaire, excentrée. L'île, tu dis, voilà, c'est sur une île encore, hein, quasiment à l'époque. Kériti, il ne faut pas l'oublier que Kériti est environnée par la mer et par des marais. Hein. On va à Kériti en franchissant un pont. Je vous ai dit, le pont Ninon, il a beau ne pas être très important, c'est quand même voilà, un marqueur symbolique extrêmement important. Donc Sainte-Marine, qui n'a pas une importance considérable, est quand même aussi assez excentrée, voyez, sur les bords de l'Odet. Donc c'est une population excentrée, c'est en fait une population marginale, et on peut dire que le pays bigoudin, à la fin du XVIIIe siècle, tourne globalement le dos à la mer. Le pays bigoudin, c'est désormais d'abord un réservoir à grains, un lieu de production des céréales exportées par le port de Pont-l'Abbé, mais sur des bateaux de l'île Tudy et par des capitaines très souvent de l'île Tudy jusqu'à la fin, bien sûr, voilà, jusqu'au moment, comme je l'ai dit, où il n'y avait plus de capitaine ni de bateau à l'île Tudy. Juste un dernier élément que je trouve aussi assez révélateur, c'est une phrase, une réflexion de Madame de Pomperie. Madame de Pomperie, c'était une Quimpéroise qui est venue se faire oublier un peu pendant la Révolution française à Pont-l'Abbé. Elle était d'origine bourgeoise, mais elle était mariée à un aristocrate, à un noble, et elle était sœur aussi d'un prêtre émigré. Donc, évidemment, elle avait tout pour déplaire aux autorités révolutionnaires. Elle avait une propriété au Sécaire. C'est juste en face, maintenant, du collège La Hennec de Pont-l'Abbé. Donc, elle s'est mise au vert, vous voyez, dans sa propriété du Sécaire, avec son mari et ses enfants, pour essayer de passer entre les gouttes. Madame de Pomperie a laissé des lettres extrêmement intéressantes qu'elle adressait à son... Elle était mariée à Monsieur de Pomperie, mais elle était amoureuse de son cousin, qui habitait à Hennebon, son cousin Kergus, Audouin de Kergus. Elle était née Audouin, Madame de Pomperie. Elle a adressé ses lettres à son cousin, et ces lettres ont été publiées par le petit-fils un siècle plus tard, un peu moins, en 1880. Elles sont passionnantes pour l'histoire, pour la vie quotidienne, pour les mentalités du pays bigoudin à l'époque de la Révolution. Et dans une de ses lettres, elle a cette remarque. « Figurez-vous, mon cher cousin, que hier, j'ai été jusqu'à l'île Tudy. » Elle habite Pont-l'Abbé. Hein. « J'ai fait le déplacement à l'île Tudy. » Voilà, et on sent que pour elle, c'est un exploit, quoi. Voilà, c'est une aventure. Hein, elle a pris des risques. Voilà, elle est allée à l'île Tudy à ses risques et périls. C'est dire que le radeau à fleur d'eau de l'île Tudy, où il n'y a que à l'époque des gens misérables, hein, c'est vrai que c'est dire que ça paraissait très loin et que c'était voilà, une population dont on se méfiait. D'ailleurs, quand on s'aperçoit sur le plan architectural, à la fin de l'Ancien Régime, en 1789, l'église de Saint-Guénolé, l'église tréviale de Saint-Guénolé, est en ruine complète. On va démolir les ruines bientôt, on ne va garder que la tour, la façade, tour occidentale du clocher, qu'on va appeler la tour carrée. Hein. Mais derrière cette tour carrée, il y avait une église, hein, une église tréviale, c'est-à-dire presque une église paroissiale. À la fin de l'Ancien Régime, cette église est en ruine. L'église de Kériti, elle ne vaut guère mieux. Hein, d'ailleurs, voilà, la ruine va être précipitée, va être complète sous la Révolution. Elle va rester en ruine, l'église de Kériti, jusqu'en 1950. Et l'église de l'île Tudy, elle-même, est quasiment en ruine à la fin de l'Ancien Régime, à telle enseigne qu'on va décider de sacrifier toute la nef pour ne garder que le chœur, Voyez, l'Église qui a fonctionné de la fin de l'Ancien Régime à 1875 à l'île Tudy, c'était même pas la moitié de l'Église primitive. On a bouché l'arc, enfin, on a bouché l'emplacement sous l'arc diaphragme qui sépare le cœur de la nef. Donc, vous voyez, c'est dire que là aussi, l'Église était devenue bien trop grande, d'une part, pour les rescapés de tous ces malheurs, et impossible, ils n'avaient plus les moyens de l'entretenir. Vous voyez, c'est devenu une église en réduction, bon, qui ensuite, en 1875, a été complétée, a été agrandie, mais en néo-gothique, mais il a fallu attendre, voyez, un bon siècle avant sa reconstruction. Alors, la Révolution va quand même donner à l'île Tudy, qui, ne l'oublions pas, est le port le plus important du pays bigoudin pendant 250 ans. Entre 1600 et 1850, quel est le port de pêche et d'armement au commerce le plus important du pays bigoudin ? C'est l'île Tudy, incontestablement, loin devant tous les autres. Tous les autres, c'est quoi ? Il y en a deux, c'est Kiriti et c'est Sainte-Marine. Mais alors là, j'ajoute juste une parenthèse. Il faut faire attention quand on étudie la vie maritime bigoudaine sous l'Ancien Régime, parce que les marins de l'île Tudy au 15e et au 16e siècle sont quasi systématiquement indiqués comme de Loch Tudy. En fait, c'est la baie de Loch Tudy, mais à Loch Tudy, il n'y avait aucun marin à l'époque. Je suis formel. Aucun. Il n'y en avait aucun. Au XVIe siècle, il n'y a pas un seul marin à Loch Tudy. Loch Tudy est une paroisse uniquement rurale, exclusivement rurale. Tous les marins sont à l'île Tudy. Et de la même façon, les marins de Sainte-Marine sont systématiquement indiqués dans toutes les archives comme étant de Bénodet. Or, à Bénodet, il n'y a pas de marin non plus. Voyez, ils sont, donc voilà, il faut rendre à Sainte-Marine ce qui appartient à Sainte-Marine et à l'île Tudy ce qui appartient à l'île Tudy. Donc, l'île Tudy devient commune sous la Révolution, mais le Guilvinec, qui va, c'est vrai, ne se développer qu'à partir de 1845-1850, va attendre quelques années pour accéder à l'autonomie, à l'indépendance communale. Un dernier mot sous la Révolution. Vous comprenez qu'avec un tel sujet, on aurait pu durer 5 heures. Il a fallu qu'on se restreigne, André Espagnol et moi, parce que le sujet est tellement important. Sous la Révolution, les marins de l'île Tudy, qui, bien sûr, dans leur pêche à la sardine, étaient tributaires des marchands de rogue, les fameux marchands de rogue de Concarneau, ces gens considérés massivement comme des gens quand même très près de leurs sous et qui ne faisaient pas de cadeaux aux marins. Les marins de l'île réclament, dans un des articles du cahier de doléances, ils disent ceci, qu'il plaise au gouvernement de fixer le prix des rogues. Les rogues, c'était des œufs de morue qui leur servaient d'appât, pour lever la sardine, comme on disait. Qu'il plaise au gouvernement fixer le prix des rogues, que nous sommes obligés de tirer de Concarneau, qui se vend à un prix excessif, ce qui nous met hors d'état pendant 2 mois que dure notre pêche de sardines, d'en tirer avantage, et nous devient même souvent très ruineux. Évidemment, leur revendication ne sera absolument pas reprise en compte dans les cahiers généraux de la Sénéchaussée, comme on dit, c'est-à-dire au niveau de Quimper. Là aussi, on voit que les marins, que ce soit de l'île Tudy, de Concarneau ou de Douarnenez, qui pêchaient la rogue, n'avaient absolument pas voix au chapitre, ne pouvaient pas, parce que qui étaient leurs adversaires, ben c'était les rédacteurs des cahiers de doléances, en fait. C'était la bourgeoisie marchande qui rédigeait les cahiers de doléances dans ces grands centres. On ne peut pas parler des relations des Bigoudins avec la mer sans dire un mot quand même sur le pillage des épaves. Et ici, à Plozévette, on est aux premières loges, parce qu'on était sur la baie d'Audierne. Donc, alors, je ne vais pas m'étendre, mais quand même, que l'on sache qu'au moins jusqu'à la création, l'édification des phares, et notamment du premier phare de Pinmar en 1835, le pillage des épaves était systématique sur la baie d'Audierne à l'automne et à l'hiver. Je dis bien pilleur d'épaves. Il n'était pas naufrageur, à ma connaissance, hein, et à la connaissance du grand spécialiste qui est Alain Cabantous non plus. Mais alors, par contre, dès qu'il y avait un navire qui s'échouait sur la côte et sur la baie d'Audierne, ils étaient bien placés, c'était la ruée, hein, c'était la curie. Je vous donne juste deux exemples. Hein, voilà. Dans la nuit du 22 au 23 octobre 1729, un brigantin, de 50 tonneaux, la Marie-Thérèse de Roscoff, chargé de 1000 quintaux de morue sèche pêchée au large de Terre-Neuve, ben voilà, s'échoue sur la côte de Plozévette. Les habitants, alors là je le souligne parce que les papiers, les archives le soulignent, ce sont les habitants de Plouinec qui ont participé d'abord au pillage. Curieusement, ça s'échoue sur Plozévette et alors là ils se font damer le pion, les gens de Plozévette, par ceux de Plouinec. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas précisé. En tout cas, ils participent massivement au pillage. Donc là aussi, c'est un élément qu'il faut souligner. Les pilleurs, ce n'était pas un commando minoritaire d'excités, c'était tout le monde. Dès que, voilà, c'était les femmes, les enfants, les hommes, évidemment, mais c'était toute la population maritime littorale, tous les riverains du bord de mer qui se précipitaient. Donc, ils se précipitent, et le capitaine des gardes, alors on institue évidemment les gardes des effets naufragés qui arrivent progressivement sur la côte et qu'on essaye de sauver de la rapacité des pilleurs, donc il y a un capitaine des gardes. Le capitaine des gardes et ses hommes déclarent, deux points, ouvrez les guillemets, qu'ils furent accueillis par une grêle de pierre qui les obligea à se retirer à la tente et de laisser les habitants continuer leur pillage. Premier exemple. Deuxième exemple, le 19 novembre 1798. On est à la fin de la période révolutionnaire. Quatre bâtiments naufragés, quatre, c'est pas un seul, quatre, s'échouent sur la côte de Tréogat, entre Tréogat, Plovan, Lababan et Pouldrezic. Voilà. Les six paroisses voisine se précipite comme un seul homme. Voilà, de Plozévette à Tréguennec. Voilà, Plozévette, Pouldrezic, Lababan. Il ne faut pas oublier Lababan qui, à l'époque, était une paroisse devenue une commune, d'ailleurs, momentanément, avant d'être rattachée à Pouldrezic, Tréogat, Plovan et Tréguennec. Tout le monde, pour ainsi dire, se précipite pour récupérer alors 44 tonneaux de froment, 486 barriques de vin. Le vin, qui était cher, qui était une denrée chère pour les paysans de base à l'époque, hein, qu'on ne buvait que pour les grandes occasions, 88 quarts de salaison, de la farine et du vinaigre. Vous imaginez ? C'est l'occasion. Voilà. Donc on se précipite. Alors là, on a les rapports des autorités révolutionnaires qui tombent des nues. Et c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que ces autorités sont sincères. Elles disent... On pensait que la Révolution française allait changer l'homme en profondeur. Et on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Que les populations riveraines de nos côtes continuent leur pillage comme avant. Comme quoi, voilà, malgré toutes les lumières, malgré toutes les lois, tout le changement radical quand même, hein, que la Révolution a entraîné, eh bien, on s'aperçoit que les mentalités, que les réflexes de rapine restent les mêmes. Alors on dénonce, je cite, « les perfides riverains de cette côte entraînés par une habitude criminelle et invétérée ». On dénonce la conduite atroce des habitants de cette commune. Ça, je crois que ça, c'était pour Pouldrezic. Les scélérats barbares et brigands. Voilà. Donc là, je précise que Plozévette est dans le coup. Hein, pour les précédemment, je prends des risques sans doute en le disant ici, hein, dans cette noble assemblée, mais bon, on est fait pour ne pas taire les situations, même un peu dérangeantes. Les six communes délinquantes, donc Plozévette, Pouldrezic, Lababan, Plouvent, Tréogat et Tréguennec, ont été déclarées solidairement responsables et condamnées par le tribunal civil de Quimper à, tenez-vous bien, c'est une somme considérable pour l'époque, 24 886 francs de dommages et intérêts et une amende identique, plus de 50 000 francs à débourser Répartie certes en 6 communes, mais ça a été rude. Hein. Ça a été rude. Là, voilà, la punition a été, j'ai envie de dire, à la mesure de la déconvenue des autorités révolutionnaires. Alors, le 19e siècle, ben, le 19e siècle, c'est d'abord 1815, je vous l'ai dit, hein, qui permet quand même à la paix et aux activités économiques, maritimes notamment, de redémarrer. Donc, c'est le redémarrage de la pêche. Modestement, hein, il faut du temps, ça va voilà, s'étaler sur plusieurs dizaines d'années, de 1815 au moins à 1850. L'activité de l'armement au cabotage, et c'est là que Pont-l'Abbé joue un rôle important. Pont-l'Abbé, mais aussi Kériti. On s'aperçoit que Kériti, quand même, n'est pas ridicule. Il y a une nouvelle classe de marins qui se sont installés à Kériti au début du XIXe siècle. Alors, il y a les héritiers des vieilles lignées. Je pense aux Janviers en particulier. Les Janviers, alors, ils étaient déjà là au XVIe siècle. Les Janviers reprennent un peu... voilà, le flambeau. Mais vous avez des nouveaux noms, des gens qui s'appellent Gézé-Gabel, des gens qui s'appellent Goudé-Dranche ou Montfort, à l'île Tudy, la grande lignée des Montfort ou des Le Garce. Donc ça, c'est des lignées de capitaines au cabotage. Et puis alors arrive, là aussi, un produit nouveau, qui va bouleverser beaucoup de choses et révolutionner beaucoup de choses, c'est la pomme de terre. La pomme de terre qui démarre dans le pays Bigoudin à l'époque révolutionnaire, avec évidemment les difficultés qu'on imagine, parce que c'est vrai que les paysans bretons n'étaient pas pro-pomme de terre au départ. Il a fallu l'action volontariste d'un escope Arpatates, par exemple, Monseigneur de la Marche, évêque de Léon, à la fin du 18e, pour les inciter à faire de la pomme de terre. Ici, dans le pays Bigoudin, la pomme de terre doit tout à un homme, Édouard le Normand des Varannes, châtelain de Kerazan. Il avait épousé la fille de l'acquéreur du château de Kerazan, de la terre de Kerazan comme bien national, Louis Desriens. Édouard le Normand des Varannes, qui va créer la première féculerie de pommes de terre de Bretagne sur sa propriété de Kerazan en 1830, et qui va prendre l'habitude d'exporter les pommes de terre systématiquement vers les îles britanniques, vers un petit peu les îles anglo-normandes, mais surtout vers le sud de l'Angleterre et surtout vers le Pays de Galles. Voilà, ça va devenir un trafic considérable entre l'Octudi, Kerazan est au bord de la mer, vous savez, enfin, au bord de l'estuaire, et c'est le Normand des Varannes qui va tout faire pour créer un port à l'Octudi. L'Octudi, jusqu'alors, je vous l'ai dit, c'est une commune exclusivement rurale. Et grâce à le Normand des Varannes, l'Octudi voilà, va se tourner vers la mer, mais par le commerce, par l'exportation des pommes de terre. Le Normand est déjà mort, il est mort en 1842, mais on peut dire que c'est grâce à lui, grâce à son action, très dynamique, très entrepreneurial. Il va faire plein de choses, le Normand. C'est trop court pour vous en parler, mais à Quimper, il aura aussi énormément d'actions de développement urbain et économique en général. C'est grâce à lui qu'en 1850, on va créer le premier quai et la première cale de l'Octudi. Et ce quai et cette cale vont être à l'origine de la pêche à l'Octudi. C'est parce qu'il y a une infrastructure portuaire, ces infrastructures si rares finalement, encore à l'époque dans la plupart des havres bretons. Là, il y a une cale et un quai qui sont créés pour l'exportation des pommes de terre vers le Pays de Galles. La pêche va se développer grâce à cela. Et en même temps, on va exporter, on va en profiter pour exporter une autre denrée, neuve aussi pour le pays Bigoudin, qui va jouer un rôle considérable aussi dans le trafic, ce sont les poteaux de mine. C'est le bois, hein, les fûts des pins qui vont être débités en poteaux de mine, comme on dit, c'est-à-dire qui vont servir à étayer les galeries des mines de charbon, notamment au Pays de Galles. Voilà, donc on a deux denrées à exporter vers le Pays de Galles, les poteaux de mine et la pomme de terre, et la plupart de ces caboteurs vont revenir avec du charbon. des charbons gallois, ça va être un trafic extrêmement important, très très important, qui pour l'essentiel va être d'ailleurs sur des navires britanniques, des navires anglais ou gallois, mais d'ailleurs autant anglais que gallois, britanniques en tout état de cause, entre Pont-l'Abbé, Loctudy et les îles britanniques. Le problème de Pont-l'Abbé, c'est que c'est au fond d'un estuaire, c'est au fond d'une ria, il y a le problème d'envasement récurrent, et finalement, Loctudy, à partir des années 1860-70, Loctudy va prendre le leadership au détriment de Pont-l'Abbé. C'est beaucoup plus simple de débarquer ou d'embarquer à Loctudy plutôt qu'à Pont-l'Abbé. Et on voit le trafic de Pont-l'Abbé qui diminue au bénéfice de Loctudy. Au début du XXe siècle, Loctudy est, ne l'oublions pas, le deuxième port, par le tonnage, le deuxième port de commerce du Finistère, après Brest et avant Morlaix, qui est le troisième, Loctudy. Voyez. Et cela grâce aux pommes de terre d'abord et aux poteaux de mine ensuite. Alors, je reviens à la pêche. J'ai peut-être... il me reste combien de temps, là ? Cinq minutes ? Allez, cinq minutes. Je reviens à la pêche. Pour vous dire que vers 1845, là aussi, c'est un moment clé pour le pays bigoudin, les pêcheurs douarnenistes prennent l'habitude de venir au Guilvinec de février à juin pour la pêche au maquereau. Pour la saison maquereau, étant donné que les fonds poissonneux sont plutôt face à sur les platiers ou un peu au large de la côte sud du Cap Caval. Donc ils déménagent. Ils déménagent, mais alors avec armes et bagages, j'ai envie de dire. Ils déménagent au départ que les hommes, et puis finalement les femmes s'y mettent aussi. Et c'est des chariots entiers qui arrivent. Et c'est le Guilvinec qui se développe grâce aux douarnenistes. Là, c'est clair. Hein, c'est Douarnenez qui, au départ, avant même la conserve, vous voyez, est à l'origine du décollage du Guilvinec, qui jusqu'alors était insignifiant. Hein, c'était très très peu de choses. Parallèlement, les presses à sardines se développent dans les ports. On en trouve à l'île Tudy, notamment, dès le tout début de la paix, hein, à partir de 1815. J'en ai répertorié à peu près 6 ou 7 dans les années 1830. Et c'est une activité, vous voyez, qui se développe et qui bénéficie à l'ensemble des ports. Et puis alors, il y a autre chose, c'est la pêche aux crustacés. Les Anglais sont très friands des crustacés, des crabes et des homards, en particulier pêchés au large des Glénans, enfin dans les parages des Glénans. Et tous les 10 jours, dans les années 1850-60, tous les 10 jours, vous avez un bateau anglais qui vient mouiller à l'entrée de l'Odé, face à Bénodé, et qui récolte, voilà, qui ramasse toute la pêche. Des ports qui vont de Mousterlin jusqu'à l'Esconil. Voilà, en gros. Et en particulier, l'île Tudy et Sainte-Marine. Sainte-Marine et l'île Tudy qui vont s'affirmer comme deux grands ports de pêche aux crustacés à partir des années, je vous l'ai dit, 1840-1850. Et donc se développent des viviers. Voilà, pour entreposer ces homards et ces crabes. Il y a des viviers, alors soit en dur. On voit encore les viviers à Menmeur ou les viviers de l'Esconil, soit des viviers flottants. Donc beaucoup de pêcheurs, de patrons pêcheurs, ont leur propre vivier sur la grève. Et puis arrivent les fritures, ou les friteries, ou les friteries, c'est-à-dire les premières conserveries. Alors là, c'est la révolution, on peut dire, de l'activité maritime dans le pays bigoudin. Juste pour situer, première conserverie à Concarneau, c'est 1851. Première conserverie à Douarnenez, c'est 1853. L'île Tudy a sa première conserverie en 1857. Vous voyez, très peu de temps après, et c'est l'île Tudy. La première conserverie du pays bigoudin, c'est révélateur de l'importance encore, vous voyez, de l'île Tudy. C'est l'usine Martin qui va devenir, évidemment, c'est un négociant de Nantes, ça va de soi, et elle va devenir l'usine Philippe Écano, un grand nom de la conserve sur les côtes bretonnes, très, très vite. Pinmar n'aura sa première conserverie que 13 ans après. quand même. Vous voyez, il a fallu attendre 13 ans pour que Pinmar... Et c'est Kerity. Là aussi, c'est révélateur. Vous voyez, encore l'importance de Kerity. Quand même, au moins symbolique. Quoi. C'est Kerity qui accueille la première conserverie de Pinmar en 1870. C'est aussi un confiseur chocolatier nantais, comme on disait, Auguste Moreau. Et Saint-Guénolé, quand même, aura sa première conserverie juste après, en 1871. Joseph Artaud, un grand nom aussi de la conserve nantaise, et le Guilvinec en même temps, 1870 aussi, mais là c'est un douarneniste bien connu, c'est Auguste Chancerel qui vient créer la première conserverie du Guilvinec en 1870. Et ça se développe très vite. Le Guilvinec, dès 1879-80, a six fritures, comme on dit, déjà, vous voyez, en l'espace de 10 ans. Ça s'est multiplié par 6. Alors, c'est une conséquence du développement de la flottille locale qui partage grosso modo la saison en deux. Il y a d'abord le maquereau et ensuite il y a la sardine. Voilà, le maquereau jusqu'en juin et la sardine, juin-juillet, et la sardine qui prend la suite de juin donc à octobre. Et donc on trouve Moreau, Frochaine, Chancerelle, Aubinsalle. C'est majoritairement des Nantais, mais vous avez aussi des initiatives locales, des initiatives de Cornoyer qui se lancent dans la bataille, un peu dans l'aventure, avec des risques, avec des aléas. On s'aperçoit que ces premières années des conserveries bigoudaines voient beaucoup de dépôts de bilan. Il y a beaucoup de conserveries qui se créent, mais j'ai envie de dire, il y en a presque autant qui déposent leur bilan et qui soit arrêtent définitivement, soit sont reprises par d'autres conserveurs, aux moyens un peu plus importants. Mais il faut quand même souligner que les presses à sardines continuent à fonctionner parallèlement. On peut avoir une image un peu simpliste en disant à partir du moment où la conserverie est arrêtée, la conserve est arrêtée, les presses à sardines ont cessé. Eh bien non. Il y a eu toute une période où les deux ont fonctionné en parallèle. Je prends juste un exemple qui est, je trouve, intéressant, c'est celui de Louis Pichot. C'est Louis Pichot qui a installé au Guilvinec les premières presses à sardines, les premiers viviers, qui a été le premier marailleur du Guilvinec. On peut dire que, et ça c'est vers 1850-60, vous voyez, donc le Guilvinec lui doit beaucoup à ce Louis Pichot. Il ne s'est jamais lancé dans la conserve, dans l'aventure de la conserve. Il a créé aussi des presses à sardines à Saint-Guénolé, mais c'est resté toujours un presseur, vous voyez, et jamais un conserveur. En 1880, c'est un autre tournant, et je vais peut-être m'arrêter là. Il y a mon épouse qui me fait des signes désespérés. Mon épouse est là aussi pour me... Juste quand même un mot de la grande crise qui démarre en 1880, c'est le début de la disparition de la sardine de nos côtes. À partir de 1880, elle disparaît par intermittence. À partir de 1902, elle va disparaître complètement, quasiment, pendant 9 ans jusqu'en 1909. Mais dès 1880, c'est déjà les grandes difficultés. Donc la population maritime bigoudaine qui est plongée dans une grande précarité et qui, à partir de 1902, on peut dire, est plongée dans la misère, dans la misère noire. C'est avant les lois sociales, etc. Donc, il y a des initiatives de solidarité qui sont mises en place, des soupes populaires, des souscriptions auprès des touristes. Donc là, c'est l'apparition du tourisme aussi. C'est la belle époque. Mais à la belle époque, jamais l'écart entre les populations qui fréquentent les plages bigoudaines n'est aussi important qu'à cette époque-là. Entre les touristes de la belle époque qui, évidemment, avant les congés payés, ont les moyens de venir en vacances, et les populations des ports de pêche qui crèvent la faim à ce moment-là. L'exemple que je peux citer, c'est celui de l'hôtel des Bains qui se trouve sur le quai de l'Octudie. C'est l'hôtel chic de l'Octudie au début du XXe siècle. De leurs fenêtres de l'hôtel des Bains, les touristes aisés voient quoi ? Pendant toute la saison de la pomme de terre, voient les femmes dockers qui ploient sous leurs fenêtres avec des fardeaux de 50 kilos de pommes de terre pendant toute la journée. Voilà, donc vous voyez, c'est une image, mais je trouve qu'elle est assez, assez saisissante. Donc, en conclusion, on peut dire qu'à la fin du 19e, enfin, non, on peut dire que vers 1914, vous voyez, en gros, les trois ports historiques du pays Bigoudin, qui étaient les ports de Kériti, le port de l'île Tudy et le port de Sainte-Marine, eh bien, périclitent jusqu'à leur complète disparition au bénéfice de quatre ports. Il y a quatre ports qui vont s'affirmer. Le Guilvinec, bien sûr, je vous dis, grâce aux douarnenistes, grâce à Pichot, grâce aux conserveries. Les trois facteurs se sont conjugués et additionnés. Saint-Guénolé. Alors, Saint-Guénolé est le fruit, j'insiste pas parce que je n'ai plus le temps, mais alors là, c'est clair. Saint-Guénolé est le fruit de l'installation volontariste des conserveries à partir de 1870. Il n'y avait quasiment pas de pêcheurs. Les conserveurs nantais ont fait le choix de s'implanter à Saint-Guénolé parce qu'à cause du site, à cause de la modicité du terrain aussi, la municipalité a bradé les communaux en particulier. À l'époque, ils avaient quasiment le terrain pour rien. Hein, la main-d'œuvre était à bon marché, enfin, etc. etc. Donc Saint-Guénolé est dû à l'implantation des conserveries nantaises. L'Esconil, qui prend son essor à partir de 1840-1850, là aussi grâce à deux facteurs, j'insiste pas, mais je vous les signale en passant, c'est l'action volontariste dynamique d'une famille, les Bourligueux. Ce sont les Bourligueux qui ont développé l'Esconil, une famille de douaniers qui ont développé l'Esconil, la partie qui se sont implantés à l'Esconil. Il n'y avait quasiment rien à l'Esconil à l'époque. Il n'y avait pas une maison dans le quartier des Quatre Vents, le quartier marin, quoi, maritime actuel. Les Bourligueux se sont implantés là à partir de 1840-1850. Tous les fils Bourligueux, il y en avait six, sont devenus marins. C'est la base du l'Esconil moderne. Si on était aux États-Unis, l'Esconil ne s'appellerait pas l'Esconil, mais s'appellerait Bourligueux City, hein, ou Bourligueux Villa. Et un deuxième facteur qui rejoint un petit peu le cas de l'Octudy, c'est la création d'une cale, aussi donc d'un quai, d'une cale, à l'Esconil en 1880, non pas pour l'exportation des pommes de terre, ce coup-ci, mais pour l'installation d'un canot de sauvetage. Alors, ce n'était pas un canot de sauvetage pour les marins. Hein. Pas du tout. C'était un canot de sauvetage pour tous les caboteurs qui transitaient au large et qui, parfois, se trouvaient en difficulté. Donc, les marins, les paysans, parce que là, ce sont les paysans qui massivement quittent leur ferme de Tréogat, de Tréguennec, de Saint-Jean, de Plognour, pour devenir marins-pêcheurs, profitent de cette cale pour décharger leurs poissons. Et l'Octudy, enfin. L'Octudy, le dernier port en date du pays Bigoudin, l'un des derniers ports en date, on peut dire, de la Bretagne, hein, presque le plus récent, qui s'est développé, grâce au quai, construit dans la foulée de l'action de Lenormand des Varannes, et qui s'est construit donc grâce à cette exportation des pommes de terre vers le Pays de Galles, et qui s'est surtout construit grâce au dynamisme des gars de l'Arvor. Hein, on ne le dira jamais assez, l'Octudy est le fruit de l'Arvor. Hein, c'est les gars de l'Arvor, les guémoniers, les pêcheurs guémoniers, mais guémoniers avant d'être pêcheurs, c'est les guémoniers qui sont devenus pêcheurs, qui faisaient de la pêche aussi, qui massivement, à partir de 1880, se sont installés à la cale, comme on dit. Là, je me suis amusé à faire un relevé systématique de tout l'état civil de l'époque. Eh bien, c'est les gars de l'Arvor, hein, c'est clair. Les gens de l'Octudy le disent, c'est vrai. Hein, on peut les croire. Ce sont les guémoniers de l'Arvor qui sont à la base du décollage de l'Octudy à partir des années 1890. Je m'arrête là parce qu'on n'a plus le temps. Merci.